بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات bienvenue chers frères et sœurs سنبدأ اليوم سلسلة جديدة من الدروس مع إخواننا من مركز الفرقان في بلجيكا. On va commencer aujourd'hui une nouvelle série de cours avec nos frères du مركز الفرقان en Belgique. Nouvelle série de cours dans la lecture et le commentaire d'un livre très important, très bénéfique, Fusulun fil Adab ou alors Fusulul Adab. Les chapitres des mœurs ou les chapitres concernant les mœurs. Wa makarim al-akhlaq al-mashru'a et des bons comportements légiférés. Un livre écrit par le très célèbre l'imam Abu al-Wafa Ali ibn Aqil ibn Muhammad ibn Aqil rahimahullah al-Hanbali qui était donc Hanbali ou al-Mazhab. Il suivait donc l'école, il était connu parmi les savants de l'école juridique Hanbalite et qui est mort en l'an 513 de l'Hégire, rahimahullahu ta'ala. Et donc, ce très célèbre savant, Abu al-Wafa, Ali ibn Aqil ibn Muhammad ibn Aqil, il avait beaucoup d'enseignants et aussi beaucoup d'élèves. Il s'est beaucoup déplacé pour apprendre et étudier la science. Et certes, il faisait partie des fuqaha les plus connus de son époque. Donc des savants de la jurisprudence les plus connus de son époque. Particulièrement dans le madhhab Hanbalit. Particulièrement donc concernant l'école juridique Hanbalite. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit à son sujet Ibn Aqil min azkiya al-alam. Ibn Aqil fait partie des azkiya, de ceux qui sont dotés d'intelligence dans le monde. Il a beaucoup écrit, il avait écrit beaucoup de livres. At-tadhkira fil fiqh, at-tadhkira fil usul al fiqh, et d'autres, beaucoup, beaucoup de livres. Les savants, ils ont fait ces éloges. Parmi les savants qui ont fait ces éloges, on a l'imam al-Dhahabi, rahimahullah, dans Siyar al-A'lam al-Nubala. On a aussi Ibn Rajab, al-Hanbali aussi. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, comme on a cité précédemment, il a fait ses éloges. Mais Ibn Taymiyyah, il a cité que ce très savant, il a été touché aussi par des ambiguïtés de Al-Mu'tazila. Il a suivi certains de ses enseignants, il a été touché par certaines de leurs ambiguïtés et wafaqahum, il a été en accord avec eux. Mais ensuite il s'est repenti et il a écrit un livre. Il a écrit un livre sur son repentir, un livre qui s'appelle Taubatu Ibn Aqil, le repentir d'Ibn Aqil. Subhanallah. Aujourd'hui, les gens, ils trouvent une gêne, une honte à se repentir, une honte à dire je me suis trompé, je n'aurais pas dû. Ibn Aqil, rahimahullah, il a écrit un livre sur son repentir. Mais malgré cela, il y a quelques erreurs que les savants ont trouvées dans ses écrits, qui montre certains accords avec Al-Mu'tazila. Donc il s'est repenti, rahimahullah, mais il restait encore quelques erreurs. Voilà pourquoi les savants ils disent à la fin de sa vie, donc il se tournait vers les gens de la Sunna à la fin de sa vie, il cherchait à se repentir de ses erreurs. Voilà pourquoi il a délaissé pas mal d'erreurs, mais il en restait encore d'autres. Qu'Allah Azza wa Jalla lui fasse miséricorde. Concernant ce livre qu'on va étudier ensemble, Inch'Allah Ta'ala. Donc, concernant ce livre qu'on va étudier, Inch'Allah Ta'ala, c'est un livre qui concerne, donc, comme vous l'avez compris, les bonnes mœurs, les comportements. Et ce sujet est un sujet grandiose et très important. C'est un livre, comme vous pouvez le voir sur le site du cheikh de notre cheikh Arafat al-Muhammadi, Hafizahullah. Il l'a enseigné, il l'a expliqué. Et nous ici, on va profiter de certains de ses enseignements et aussi d'enseignements que donc, j'ai pu bénéficier de mes autres enseignants. Qu'Allah Azza wa Jal leur fasse tous miséricorde, qu'il les préserve tous. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il décrit son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Tu détiens certes des mœurs grandioses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accordé une grande importance au comportement, comme on peut le voir dans sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. On peut voir dans Al-Sunan Al-Kubra de Al-Bihaqi rahimahullah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. Certes, j'ai été envoyé pour parfaire les bonnes mœurs. Certes, j'ai été envoyé pour parfaire les bonnes mœurs. Ou alors avec le terme innama, certes, je n'ai été envoyé que pour parfaire les bonnes mœurs. Les savants, ils nous disent qu'Allah leur fasse miséricorde. Inna al-anbiya'a kullahum ja'u bima karim al-akhlaq. Que tous les savants sont venus avec les bonnes mœurs. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour parfaire cela. Il a été envoyé pour parfaire cela. Et certaines personnes peuvent mal comprendre donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innama bu'istu, certes, je n'ai été envoyé que pour parfaire les bonnes mœurs. Alors, à ce sujet, barakallahu fikum. Comme on a vu précédemment, les bonnes mœurs se divisent en deux, le bon comportement se divise en deux. Le bon comportement envers Allah, tabaraka wa ta'ala, le créateur, et le bon comportement envers les créatures d'Allah. Et le bon comportement envers les créatures d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème à comprendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes je n'y étais envoyé que pour parfaire les bonnes mœurs. Donc les bonnes mœurs envers Allah et les bonnes mœurs envers les créatures d'Allah. Et Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle fut interrogée concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle a dit à Aïcha radiallahu anha, kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement était le Qur'an. Et donc on comprend de ça, barakallahu fikum, que notre comportement, nous le puisons du Coran et de la Sunna. Que tu veux apprendre le bon comportement, il est important que tu apprennes cela dans le Coran et la Sunna. Car Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, il nous a beaucoup appelé au bon comportement, les ordres et les interdits. Tout cela concerne le bon comportement. Et donc il est important, barakallahu fikum, de savoir où apprendre le bon comportement. At-Tirmidhi, il cite dans son Jami' que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ittaqillaha haythu ma kunt, crains Allah où que tu sois. Wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Et fais suivre la mauvaise action d'une bonne, celle-ci l'effacera. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Et comporte-toi avec les gens avec un bon comportement. Et donc, il est important ici de comprendre que notre législation, notre religion, nous appelle à adopter un bon comportement. Et que cela fait aussi partie de notre manhaj. L'imam Ahmed, rahimahullah, qui nous cite dans son Mousnad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé concernant la plus grande cause qui fait rentrer les gens au paradis. La plus grande cause qui fait rentrer les gens au paradis, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, taqwallahi wa husnul khuluq, le fait de craindre Allah et d'adopter un bon comportement. Et donc il est important au cher frère qu'on s'éduque. Pour beaucoup, nous avons grandi dans des pays non musulmans où nous avons été dans des écoles publiques ou privées non musulmanes, où on nous a enseigné dans ces écoles des mœurs, des comportements qui pouvaient être contraires aux mœurs islamiques. Et donc il est important qu'on corrige cela. Il est important qu'on apprenne les bases de notre religion, qu'on apprenne la jurisprudence, qu'on apprenne aussi le comportement, car le comportement est très important dans notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Ahabbul ibadi ilallah ahasinuhum khuluqa » Les serviteurs les plus aimés d'Allah sont ceux qui ont le meilleur comportement. Les serviteurs les plus aimés d'Allah sont ceux qui ont le meilleur comportement. Et donc, comment pouvons-nous délaisser cette matière? Il est important qu'on se corrige tout un chacun, que nous apprenons à avancer, à améliorer notre comportement. Notamment que parfois, le mauvais comportement que nous pouvons avoir peut faire du tort à la da'wa, peut faire du tort à la communauté musulmane, à l'islam, à la salafia, à la sunna. Et donc il est impératif, barakallahu fikoum, de corriger, de rectifier ce problème. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit qu'il n'y a rien qui soit plus lourd dans la balance au jour de la résurrection que husnul khuluq, que le bon comportement. Et donc ça nous montre encore, barakallahu fikoum, l'importance du sujet que nous allons aborder dans ce livre, et que ce n'est pas un sujet à négliger. Certains vont se dire, ouais, c'est bon le comportement, ça y est, c'est bon, c'est passer le salam, faire sourire les gens, etc., sourire aux gens, etc. Et ils vont négliger le sujet, le mépriser. De la même façon que d'autres, ils vont mépriser le sujet du tawhid. C'est bon, on a compris, tawhid. C'est bon, on sait, il faut adorer Allah, etc. Et ces gens-là ne comprennent pas que ils méprisent un sujet qui a été valorisé par la religion. Un sujet qu'Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète ont mis en avant. Et toi, tu viens, tu le méprises. Ça montre l'ignorance de l'individu qui parle comme tel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Inna ar-rajula la yablughu bi husni khuluqihi darajata al-qa'imi bil-layli as-sa'imi bin-nahari. Certes, l'individu, par son bon comportement, il atteint le degré de celui qui prie pendant la nuit et qui jeûne durant la journée. Subhanallah. Vous imaginez les frères? Cette personne, par son bon comportement, tellement elle a un bon comportement, elle atteint le degré de ces gens-là, des adorateurs, les grands adorateurs. Comment pouvons-nous négliger cela après? Comment est-ce qu'on peut négliger ce sujet? Ça montre l'ignorance qu'il y a dans nos rangs et que nous devons rectifier cela, d'où l'importance d'augmenter le nombre de cours dans la communauté musulmane, particulièrement ceux qui s'affilient à la sunna. Augmenter le nombre de cours pour qu'on connaisse notre religion. Combien s'affilient à la sunna, mais ne la connaissent pas. Certains pensent que la sunna, c'est dire « Ah, je connais parmi les savants, je connais Cheikh Oubaid, Cheikh Rabir, Cheikh Fawzen, Cheikh Luhaydan, Cheikh Noubez, Cheikh Nulfemin, Alhamdoulilah, je connais. » Ils pensent que c'est ça la sunna. Mais non. Oui, effectivement, il était demandé de connaître tes ulema, de connaître les ulema de la sunna. Mais la religion, c'est bien plus vaste que ça. Et donc, il faut apprendre. Il faut apprendre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit, et ça c'est un hadith que j'ai souvent répété, « Khiyarukum, khiyarukum li ahlihim. » Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur comportement envers leur famille, leurs épouses. Et on trouve que souvent, dès qu'il y a des problèmes dans des couples, très souvent les problèmes sont liés au fait de délaisser le comportement islamique d'un des deux ou des deux personnes. Soit l'épouse ou les deux. Le fait de délaisser le comportement islamique. Ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne, nous interdit, nous recommande, etc. Et donc il est important, barakallahu fikoum, qu'on apprenne cela petit à petit. Et c'est ça qu'on va essayer de faire à travers ce livre qui aborde de manière résumée les sujets, le sujet du comportement. Et d'ailleurs, certains peuvent nous dire, mais on aimerait bien apprendre la aqida. Oui, ne vous inquiétez pas, on a aussi des cours dans la aqida, bi'idnillah. On en a déjà fait, on va en refaire encore. Mais le comportement a un lien avec la aqida. Le comportement a un lien avec la aqida. On a déjà cité précédemment, d'ailleurs, à Merkez el-Furqan, un exemple sur ce sujet. Le sujet du siwak. On a dit que le sujet du siwak, ce sujet qui est lié à la aqida aussi. En fait, il n'y a pas un seul sujet en islam qui ne soit pas lié à la aqida. Pourquoi? Concernant le siwak, lorsque tu vas prendre ton siwak, que tu vas aller à la Mektaba pour acheter un siwak, hein? Et ou alors que tu vas aller dans les bois pour couper ton siwak toi-même, et qu'ensuite tu l'utilises, et que tu appliques cette sunna, et que tu aies la ferme croyance, ta'aqid, tu aies la croyance que cela est recommandé, et que cela est bien parce que c'est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cette croyance, elle est dans le cœur. Elle est dans le cœur, et donc c'est lié à ta croyance, ta'aqid. Il n'y a pas un sujet dans la religion sans qu'il y ait un lien avec la aqida. Et d'ailleurs, le comportement en lui-même a un lien très fort avec la aqida. C'est pour cela qu'il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. » Les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont le meilleur comportement. Et donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en évidence le lien fort qu'il y a entre le bon comportement et la foi, la croyance. De la même façon que le bon comportement, les bonnes mœurs sont aussi liées aux actes d'adoration. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Certes, la prière empêche l'accomplissement des turpitudes et du mal. Et donc la salat, la prière, elle empêche de faire tout ce qui contredit les bonnes mœurs, tout ce qui contredit le bon comportement. Et comme on a cité la parole de très savant Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, certaines personnes qui s'interrogent, qui se disent « Mais comment ça, moi je fais toutes mes salats, je fais toutes mes salats à la mosquée, malgré ça je fais des péchés, etc. etc. etc. » Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, qui répond à cela en disant que la salat qui est bien accomplie, si ta salat ne t'empêche pas de tomber dans « el-fahsha », les turpitudes et « el-munkar », le mal, alors c'est qu'il y a un problème dans l'accomplissement de la salat. Et donc il faut revenir à l'accomplissement de la salat. Comment la personne fait sa salat? Car il y a un lien clair et évident entre l'adoration et le comportement. Et donc on va commencer, Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui à lire et à commenter cet écrit d'Ibn Aqil, rahimahullah ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, le Seigneur des mondes. Et qu'Allah comble d'éloges Mohammed, le dernier des prophètes, le sceau des prophètes, ainsi que sa famille et ses compagnons. Et qu'il leur accorde à tous le salut jusqu'au jour de la rétribution. هذه نبذة من فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. Et donc, ce sont quelques chapitres concernant les mœurs et les bons comportements légiférés. Min ta'lif, écrit par le cheikh, l'imam, le Qudwa, Abil Wafa, Ibn Aqil, rahimahullahu ta'ala. Fasloun, le chapitre. Assalamu al-mubtadi' yakounu min al-mashi ala al-qa'idi. Le salam, donc le fait de passer le salam commence premièrement par celui qui, il se fait par celui qui marche à celui qui est assis. Il se fait premièrement, il commence par celui qui marche lorsqu'il passe le salam à celui qui est assis. Et donc ce qui est voulu ici, attention à celui qui est assis, donc celui qui est à un endroit précis, celui qui est installé à un endroit. وَالْرَاكِبِ عَلَى الْمَاشِي وَالْجَلِسِ. Et il se fait aussi premièrement par celui qui est donc sur une monture, qui va passer donc le salam à celui qui est assis ou celui qui marche. Et donc là ici, ce sujet, c'est qui commence par passer le salam. On a vu premièrement, celui qui commence par passer le salam, c'est celui qui se déplace et qui croise quelqu'un Et donc, c'est lui le premier à passer le salam. Ou alors, celui qui se déplace et qui est sur une monture et qui croise quelqu'un qui est assis ou quelqu'un qui marche, qui n'est pas sur une monture. C'est lui qui commence à passer le salam. Et donc ici, il est important, barakallahu fikoum, on comprend que l'auteur, il commence son livre par le sujet du salam. Le salam qui est la salutation des gens de l'islam. Je précise, le salam qui est la salutation des gens de l'islam, la salutation des musulmans. Et vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ce sujet, inshallah ta'ala. Et ce qui est voulu par le mot as-salam, c'est as-salam min kulli al-afat. Le fait d'être préservé de tout mal. Le fait que tu sois préservé de tout mal qui te touche. C'est ce qui est voulu par as-salam. Et il faut savoir aussi que As-Salam fait partie des noms d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc il y a dans cette salutation, lorsque le musulman elle va dire As-Salamu alaykum, ou As-Salamu alayka, ou As-Salamu alayki, etc. Et donc le musulman, il va demander la préservation de la personne à qui il passe le salam. Le fait que cette personne soit préservée de tout mal, de toute nuisance. Et cette personne va en même temps saluer cette personne en utilisant le nom d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc, comme est belle cette salutation, la salutation des musulmans. Et il est important, barakallahu fikoum, de faire attention entre la salutation des musulmans et la salutation des non-musulmans, comme on a chez nous, chez les francophones. Le fait que les gens vont dire bonjour, bonsoir, etc. Lorsque tu vas passer à la personne, au musulman, le salam, tu invoques pour lui le fait que cette personne soit préservée de tout mal, que ça soit ici-bas ou dans l'au-delà. Contrairement à ce bonjour, certes, bonjour, il n'y a pas de mal, hein, c'est pas mauvais, bonjour. Attention, ce que je veux dire par là, c'est dans le sens. Le sens n'est pas mauvais. Mais comme est grande la différence entre les deux. Comme est grande la différence entre les deux. Bonjour. Mais après ce jour, et le soir, et que dire du jour de la résurrection ? Comment est-ce que certains musulmans peuvent délaisser la salutation des musulmans pour dire bonjour? Parfois, certains sont au travail, ils sont gênés, ils voient un musulman qui arrive, il est gêné que les non-musulmans sachent qu'il est musulman, ou alors il est gêné que les non-musulmans l'entendent dire « Salamu alaykoum ». Alors il va dire « Bonjour ».« La hawla wa la quwwata illa billah ». Il dit « Bonjour » à un musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum » Celui qui fait en sorte de ressembler à un peuple, il en fait partie. Nous les musulmans, nous avons notre salutation. Et comme est belle la signification de cette salutation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Lan tadkhulul jannata » Hatta tu'minu. Vous n'entrerez au paradis tant que vous n'allez pas vous aimer mutuellement. Tant que vous n'aurez pas la foi. Walan tu'minu hatta tahabbu. Et vous n'aurez la foi que quand vous allez vous aimer mutuellement. فلا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم. Puis-je vous montrer quelque chose que si vous le faites, vous allez vous aimer mutuellement. أفشوا السلام بينكم. Répandez le salam entre vous. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Répandez le salam entre vous. Une cause de rentrer au paradis. Une cause de rentrer au paradis. Es-salam. Et donc, il faut qu'on comprenne, barakallahu fikoum, que notre religion a montré l'importance de ce sujet, es-salam. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبِيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Lorsque vous rentrez dans des demeures, alors passez-vous le salam, une salutation venant d'Allah, bénite et bonne. C'est ainsi qu'Allah vous montre, vous met en évidence les signes afin que vous raisonniez. As-Sa'di, il dit, rahimahullah, dans son tafsir, يشمل بيت الإنسان وبيت غيره. Cela englobe le fait que la personne rentre chez elle ou qu'elle rentre chez quelqu'un d'autre. سواء كان في البيت ساكن أم لا. Peu importe qu'il y ait quelqu'un dans la maison ou pas. Tu rentres dans la maison, peu importe qu'il y ait quelqu'un dans la maison ou pas. فَإِذَا دَخَلَهَا الْإِنسَانِ. Alors lorsque la personne rentre dans la maison, فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. Ici, Sa'di rahimahullah, il attire notre attention sur le terme qu'Allah tabaraka wa ta'ala a utilisé. Lorsqu'il dit فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, quand j'ai traduit en disant, alors passez-vous le salam. Ici, عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, Allah azzawajal, il n'a pas dit فَلْيُسَلِّمْ بَعْدُكُمْ عَلَىٰ بَعْدُ. Il n'a pas dit que l'un passe le salam à l'autre. Mais il a dit ala anfusikum. Ala anfusikum, on peut aussi comprendre saluez-vous vous-même. Que tu te salues toi-même. Mais ce qui est voulu ici, c'est saluez-vous mutuellement, passez-vous le salam. Alors il nous dit, nous Sa'di rahimahullah, فَلْيُسَلِّمْ بَعْدُكُمْ عَلَىٰ بَعْدُ. Alors que vous vous saluez mutuellement par le salam. لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَأَنَّهُمْ شَخْصٌ وَاحِدٌ. Car les musulmans, c'est comme s'ils forment une seule personne. بِاللَّهِ عَلَيْكُمْ. Est-ce qu'on a compris ça? Dans tous nos conflits, les petites guéguerres, hein, inutile, dont on peut très bien s'en passer. Est-ce qu'on a compris ça? Parce que les musulmans ne forment que un. C'est comme si c'est une personne. Fitawadudihim, watarahumihim, wataatufihim. Dans leur amour mutuel, leur miséricorde mutuelle. Et donc les musulmans, ils se veulent le bien mutuellement. Et c'est pour ça qu'ils commencent leur salutation par salam. Tu veux le bien de cette personne, tu veux qu'elle soit préservée de tout mal, ici-bas et dans l'au-delà, tu lui dis salam alayk. Assalam alayk. Il a été rapporté d'Abu Hurairah radiallahu anhu qu'il a dit abkhalun nasi man bakhila bis salam. Les personnes qui sont les plus avares sont ceux qui font preuve d'avarice avec le salam. Il a du mal à passer le salam, c'est dur. Ce sont eux les plus avares. Et donc concernant ce que nous dit l'auteur rahimahullah, comme on a vu précédemment, que Le salam, il commence par celui qui se déplace et qui va croiser une personne qui est installée quelque part. Et si cette personne se déplace et qu'elle croise une autre personne qui est sur une monture, elle n'est pas à pied, alors le salam commence par la personne qui est sur la monture. C'est ça la sunna. Et certes, ici, l'auteur, pour cela, il se base sur un hadith qui est dans Sahihayn. Hadith d'Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Yusallimu as-saghiru 'ala al-kabir. Le petit passe le salam au grand. Et donc, on a aussi ici une information, c'est que dans l'ordre, le petit, on commence le salam par le petit, c'est lui qui passe le salam au grand. Et ça, c'est important qu'on inculque à nos enfants. Lorsque tu vas voir tonton, lorsque tu vas voir un tel, c'est important, c'est toi qui commences à passer le salam. Et pas l'inverse. Walmaru al-qa'idi. Et celui qui se déplace, il passe le salam à celui qui est installé. Walqalilu al-kathiri. Et ceux qui sont peu nombreux passent le salam à ceux qui sont nombreux. C'est ça la base. Et dans une autre narration, il dit sallallahu alayhi wa sallam: Yusallimu ar-rakibu ala al-mashi. Celui qui est sur une monture passe le salam à celui qui marche, celui qui est à pied. Wal-mashi ala al-qa'id. Et celui qui marche, celui qui est à pied passe le salam à celui qui est assis. Wal-qalilu ala al-kathir. Et ceux qui sont peu nombreux passent le salam à ceux qui sont nombreux. Et donc voilà concernant donc le salam, certains points liés au salam. Et il nous dit l'auteur, rahimahullahu ta'ala, wal ibtida'u bihi sunnatun. Le fait de commencer le salam, le fait de passer le salam en premier est une sunna. Le fait de passer le salam en premier, c'est une sunna. Ce n'est donc pas une obligation. L'obligation, on la verra par la suite. Le fait de répondre, ça, on verra ça par la suite, inshallah ta'ala. Et donc, il n'est pas obligatoire de passer le salam en premier. C'est une sunna. Et ce sujet est un sujet d'unanimité. On a, parmi les savants qui ont rapporté l'unanimité à ce sujet, on a Ibn Abdelbar, el-Maliki. On a aussi Ibn Hajar dans Fath al-Bari et d'autres. Et donc, unanimité que c'est une sunna, c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation. La personne, il n'était pas obligatoire de passer le salam à tous les musulmans que tu vas croiser dans la rue. Hein, si tu sors de Merkez al-Furqan et que tu es donc dans le quartier où il y a beaucoup de musulmans, le fait de passer le salam à tout le monde, il y a en cela une difficulté. Il y a en cela une difficulté. À chaque fois, tu passes le salam à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. Tu es en train de parler, tu croises une personne, tu coupes ta parole, salam alaykoum, tu coupes une autre parole, ça tu pourras. C'est très difficile. Et donc, il n'y a nul doute, barakallahu fikoum, que le fait de commencer par le salam, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, barakallahu fikoum, mais c'est une sunnah, c'est recommandé. Et donc nous, on va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et bi'idhnillah ta'ala, la semaine prochaine, on va continuer le sujet du salam. Inshallah ta'ala, bi'idhnillah. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan.